Chapitre 6e. Les visiteurs d'Edward. Peut-être jamais sacrifice plus grand n'avait-il été fait par un gentleman anglais que celui qu'Edward Arundel offrit comme une expiation de son manque de promesses, comme un hommage à sa femme perdue. Brave, ardent, généreux et d'une nature franche, ce jeune soldat voyait devant lui un brillant avenir dans la profession qu'il aimait. Il voyait la gloire et les distinctions lui faisant signe de loin, et il tournait le dos à ses belles sirènes. Il renonça à tout dans le vague espoir de faire expier tôt ou tard à Paul Marchmont les infortunes de Mary. Il ne se vanta à personne, pas même à lui, de ce qu'il avait fait. Sa mémoire lui représentait sans cesse le jour où il avait déjeuné dans Oakley Street et traversé le pont de Waterloo avec le comparse de Drury Lane. Chaque mot que John avait dit, chaque regard triste et confiant, chaque expression de sa figure pâle et pensive, chaque pression de sa main amaigrie qui avait serré celle de son élève avec une affection reconnaissante et une confiance amicale, tout revint à l'esprit d'Edward Arundel, après un laps de 10 années à peu près, et à ses souvenirs se joignirent de pénibles remords. « Il me confia sa fille, » se disait le jeune homme. « Ces derniers mots de la lettre du pauvre John hantent mon esprit. Le seul legs que je puisse faire au seul ami que je possède est le legs d'une enfant sans appui. Et j'ai traité à la légère cet avertissement solennel, je n'ai pas répondu à la confiance qu'il avait en moi. » Avec son sentiment scrupuleux de l'honneur, le soldat se reprochait aussi amèrement cette imprudence qui avait causé tant de mal qu'un autre homme aurait pu se reprocher une trahison volontaire. Il ne pouvait se pardonner son imprévoyance. À chaque instant, il se répétait mentalement cette courte phrase dont se servent généralement pour exprimer le regret les hommes qui ont erré. « Si j'avais agi différemment, si j'avais fait autrement, ceci ou cela ne serait pas arrivé. » Nous nous égarons perpétuellement au milieu des déviations sans nombre d'un labyrinthe. Nous trouvons des crevasses, des précipices, des sables mouvants et des bourbiers à chaque tournant du pénible sentier, et nous regardons en arrière à la fin de notre voyage pour découvrir un chemin droit et agréable que nous aurions pu choisir si nous avions été assez sages pour cela, pour arriver sains et saufs et sans fatigue à notre destination. Mais la sagesse nous attend au terme de la course au lieu de nous accompagner en chemin. C'est une divinité que nous ne rencontrons que très tard dans la vie, quand nous sommes trop près de la fin de notre long pèlerinage, pour que ses conseils nous soient bien profitables. Nous ne pouvons que les transmettre à de plus jeunes que nous, qui, ne les recevant pas de l'expérience, n'apprennent que très peu leur valeur. Le jeune capitaine de cavalerie des Indes orientales souffrit très cruellement du sacrifice qu'il avait fait. Jour par jour, sa vie s'écoula, lente, ennuyeuse, monotone, sans incident, et rien ne va le rapprocher du but qu'il poursuivait, aucune promesse de succès futur ne récompensa son héroïque abnégation. Au loin retentissaient les clameurs de la guerre. Il entendait parler de dangers terribles, de conquêtes et de gloire. Son régiment était au plus fort de la mêlée, ses compagnons d'armes faisaient des prodiges de valeur. Chaque paquebot apportait la nouvelle d'un triomphe éclatant. Le cœur du soldat se serrait en lisant le bulletin de chaque nouvelle rencontre. Son cœur se serrait sous la pression d'un terrible désir. Ce désir, qui semble physiquement palpable dans sa douleur perpétuelle, le désir par lequel un enfant qui souffre à l'école se souvient, pendant qu'il veille la nuit dans le long et sombre dortoir mal éclairé, du doux repos qu'il goûtait sur le sein de sa mère. Le désir par lequel un mari fidèle, loin de chez lui, soupire après la femme qu'il aime. Même avec un tel serrement de cœur, Edward Arundel aurait voulu être en Orient au milieu des figures familières, entendre les cris de triomphe de ses soldats pénétrant après lui par la brèche dans une ville de l'Afghanistan, et voir les païens au teint noir blanchir de terreur sous les sabres chrétiens. Il relisait les comptes rendus de la guerre jusqu'à ce que chaque scène lui apparût, comme un tableau éblouissant de couleurs, d'une beauté grandiose, d'un sublime horrible. Les mots eux-mêmes de ces bulletins dans les journaux semblaient resplendir sur le papier où ils étaient écrits, tant les images qu'ils évoquaient dans l'esprit du jeune soldat étaient palpables. Il attendait avec une impatience furieuse l'arrivée de chaque nouveau paquebot, le bulletin qui ferait suite à la guerre indienne. Il était comme le lecteur qui dévore des romans. Il lisait une histoire émouvante page par page et il lui tardait d'arriver au chapitre suivant. Il ne rêvait plus que bataille, victoire, danger, triomphe et mort. Il s'éveillait souvent le matin, épuisé par l'excitation de ces luttes imaginaires, de ces terreurs fantastiques. Son sabre était suspendu au-dessus de la cheminée, dans sa modeste chambre à coucher. Il le décrochait quelquefois et tirait la lame du fourreau. Mais s'en fallait qu'il ne pleurât de voir ce sabre oisif. Il levait le bras et l'arme sifflait avec bruit pendant qu'il décrivait un grand cercle dans l'espace vide. La tête d'un infidèle eût été enlevée à sa vile carcasse dans ce moulinet rapide de la lame bien affilée. Le bras du soldat était aussi fort que jamais, son poignet aussi agile, et la souffrance morale n'avait pas épuisé sa vigueur musculaire. Il remercia Dieu de cette faveur, mais après ce remerciement, son bras retomba inerte et le sabre inutile s'échappa de sa main ouverte. « Il me semble que je suis un poltron, » s'écria-t-il, « je n'ai pas le droit d'être ici. Je n'ai pas le droit d'être ici pendant que les autres se battent là-bas. Oh Dieu, ayez pitié de moi. La tête me tourne parfois et je me demande quel est le parti que je dois choisir de préférence. Rester ici pour surveiller Paul Marchmont ou aller dans l'Inde combattre pour mon pays et ma reine. » Il y eut plusieurs phases dans cette fièvre mentale. Parfois le jeune homme devenait d'une jalousie sauvage à l'égard de l'officier qu'il avait remplacé comme capitaine. Il s'attachait au nom de cet homme, suivait tous ses mouvements et trouvait sans cesse à redire à sa conduite. Il était envieux au possible des triomphes particuliers de cet officier, quelque modeste qu'il fût. Il ne pouvait, dans l'amertume de son oisiveté forcée, se sentir généreusement disposé envers cet heureux successeur. « Quelles occasions à cet homme, » se disait-il, « je n'ai jamais eu ces chances-là, moi. » Il m'est presque impossible de décrire fidèlement les tortures qu'infligeait à l'impétueux jeune homme cette existence monotone. La carrière du soldat, cela de particulier, qu'elle le rend la plupart du temps impropre à tout autre genre de vie. Il ne peut se défaire des vieilles habitudes. Il ne peut passer du bruit tumultueux de la guerre au calme plat de l'existence journalière. Et même lorsqu'il se figure qu'il est fatigué, usé, et qu'il demande à se retirer du service, son âme est émue par le récit de toute lutte lointaine, absolument comme l'est le cheval de bataille par le son du clairon. Mais la carrière d'Edward Arundel avait été arrêtée tout à coup au moment même où elle lui promettait le plus de gloire future. C'était comme si un torrent qui se précipite du haut d'une montagne eût été arrêté subitement et que ses eaux eussent été condamnées à la stagnation sur un terrain uni. Les eaux rebelles bouillonnaient et écumaient de fureur. Le soldat ne pouvait se soumettre avec contentement à sa destinée. Il pouvait se dépouiller de son uniforme et accepter un vil métal pour prix des épaulettes qui lui avaient coûté si cher, mais il restait soldat, quand même par le cœur. Quand il reçut la somme fournie par les officiers de grade inférieur au sien pour prix de sa commission, il lui sembla presque qu'il avait vendu le sang de son frère. L'été était alors arrivé. 10 mois s'étaient écoulés depuis son mariage avec Mary Marchmont et rien n'avait transpiré concernant la disparition de sa jeune femme. Personne n'entretenait plus le moindre doute sur son sort. Elle avait péri dans cette rivière solitaire qui coulait derrière Marchmont Towers et allait se jeter au loin dans la mer. L'artiste avait tenu parole et n'avait pas encore fait une seule démarche pour entrer en possession du domaine dont il héritait par la mort de sa cousine. Mais M. Paul Marchmont passait une grande partie de son temps aux Towers, et une plus grande encore, dans l'atelier sur le bord de l'eau où l'accompagnait parfois sa sœur. Les commères de Camberling n'avaient pas cessé de bavarder sur Olivia Marchmont et le nouveau maître de Marchmont Towers. Au contraire, les voix qui discutaient sur la conduite de Mrs. Marchmont étaient beaucoup plus nombreuses qu'auparavant. En d'autres termes, la veuve de John Marchmont était sur le tapis. Cette phrase résume tout. On disait à peine un peu de mal d'elle, mais ce qu'il y avait de fâcheux, c'était qu'on en parlait beaucoup plus qu'il n'est permis à une femme de faire parler d'elle si elle veut sauver sa réputation. On commença par dire qu'elle allait épouser Paul Marchmont, puis on se demanda si elle l'épouserait, et enfin pourquoi elle ne l'épousait pas. Ensuite, on changea de système, on fut curieux de savoir si Paul Marchmont voulait se marier avec elle. Il y avait une différence essentielle dans cette nouvelle curiosité. Et après, pour quel motif Paul Marchmont ne l'épousait pas? Quand les cancans furent là, la réputation d'Olivia était obscurcie par un terrible nuage qui avait été en principe de la grosseur du poing d'un homme lors des premières conjectures de quelques villageois ignorants. Les gens cancaniers furent d'abord curieux au sujet de Mrs. Marchmont, puis ils firent circuler leurs suppositions sur elle et s'attachèrent à ces suppositions avec un stupide entêtement, oubliant, ainsi que cela arrive généralement, qu'il pouvait y avoir quelques motifs secrets à la conduite de la veuve et que sans l'explication de ce motif, les raisonnements les plus habiles sur sa manière d'agir n'étaient que des tâtonnements dans l'obscurité. Edward Arundel entendit parler du nuage qui planait sur le nom de sa cousine. Le père d'Olivia fut renseigné aussi et vint lui faire des observations en la suppliant de le suivre à Swampington et de laisser Marchmont Towers au nouveau maître de la maison. Mais elle ne lui répondit qu'avec tristesse et entêtement, et presque dans les mêmes termes qu'à Edward Arundel, déclarant qu'elle voulait rester aux Towers jusqu'à sa mort et qu'elle n'en sortirait que pour être portée au cimetière. Hubert Arundel, toujours effrayé de sa fille, en avait maintenant plus peur que jamais. Il ne se sentit pas plus de force pour lutter contre cette sombre détermination qu'il n'en aurait eu pour remonter le courant rapide d'un fleuve. On continua donc à jaser sur Olivia. Elle avait éloigné tous les visiteurs après le bal des Towers par ses manières étranges et la tristesse continuelle dont sa physionomie était empreinte, et elle vivait seule dans la lugubre maison massive. On disait que Paul Marchmont était presque constamment avec elle et qu'elle allait le trouver dans l'atelier sur le bord de la rivière. Edward Arundel se lassait de sa vie ennuyeuse et personne ne l'aidait à endurer ses souffrances. Sa mère lui avait écrit pour le supplier de se résigner à la perte de sa jeune femme et le faire revenir à Dangerfield, où il commencerait une nouvelle existence et effacerait le passé de sa mémoire. « Vous avez fait tout ce que l'affection la plus dévouée pouvait vous pousser à faire, » écrivait Mrs. Arundel. « Revenez auprès de moi, mon cher fils. Je vous ai laissé partir pour aller servir votre patrie, parce qu'il était de mon devoir de ne pas vous retenir à cette époque. Mais je ne puis me résoudre à vous perdre maintenant. Je ne puis supporter que vous vous sacrifiez à une chimère. Revenez. » Et laissez-moi vous voir faire un choix nouveau et plus heureux. Faites que je voie mon fils, père de petits-enfants, qui se presseront autour de mes genoux quand je serai vieille et affaiblie. Un choix nouveau et plus heureux. Edward Arundel répéta ces mots avec une amertume mélancolique. Non, ma pauvre femme, non, ma malheureuse Mary, je ne serai pas infidèle à ta mémoire. Les sourires des femmes heureuses ne peuvent avoir aucun charme pour moi, tant que je conserve avec amour le souvenir de tes tristes regards qui me suivirent à mon départ de Milldale et de ta douce figure inquiète que je ne devais plus revoir. Les journées tristes et vides se succédèrent les unes aux autres et se ressemblèrent si bien par l'ennui que la patience de l'impétueux jeune homme fut sur le point de se lasser. Sa bouillante nature s'indignait contre ces misérables délais. Il était si dur d'avoir à attendre la vengeance. Parfois, il ne s'empêchait qu'avec peine d'aller se poster quelque part sur le chemin de Paul Marchmont avec l'idée d'une lutte corps à corps dans laquelle lui ou son ennemi périrait. Une fois, il écrivit à l'artiste une lettre désespérée dans laquelle il l'accusait d'être un lâche, un misérable, et lui demandait, si sa mauvaise nature était rachetée par une étincelle de courage, de combattre comme des hommes avaient combattu quelques années auparavant avec 100 fois moins de raison pour cela qu'il n'en existait entre eux deux. Je vous ai appelé traître et misérable. Dans l'Inde, nous autres officiers, nous nous tuons les uns les autres pour des mots moins graves que ceux-là, écrivait le soldat. Mais je ne veux pas profiter des avantages de mon expérience militaire. Je pourrais être plus adroit que vous. Prenons un seul pistolet chargé et tirons-le au sort. Faisons feu l'un sur l'autre à travers une table. Faisons n'importe quoi pourvu que nous en finissions avec cette misérable affaire. M. Marchmont, lui, a relu cette lettre lentement et avec réflexion. Il souriait en la parcourant. « Il commence à se lasser, » pensait l'artiste. « Pauvre jeune homme, je me le disais bien qu'il serait le premier à se fatiguer de cette besogne. » Il répondit à Edward Arundel par une longue lettre amicale, mais un peu railleuse, à peu près dans le genre de celle qu'il aurait pu écrire à un enfant qui lui aurait demandé la lune. L'idée du duel était pour lui chose ridicule, absurde, et tout à fait digne de Don Quichotte. « J'ai 15 ans de plus que vous, mon cher monsieur Arundel, » écrivait-il, « et je suis beaucoup trop vieux pour me sentir la moindre envie de me battre contre des moulins à vent ou de représenter le moulin à vent qu'il peut plaire à un jeune et bouillant Don Quichotte de prendre pour un chevalier félon et de terrasser en cette qualité. Je ne suis pas du tout offensé par vos épithètes injurieuses, et je ne regarde votre colère que comme une façon romanesque chez vous de montrer votre amour pour ma pauvre cousine. » Nous ne sommes pas ennemis, et nous ne le serons jamais, car je ne ferai jamais la folie de me laisser mettre en colère contre un brave et généreux jeune soldat, dont le seul tort est une malheureuse hallucination en ce qui concerne votre très humble serviteur, Paul Marchmont. Edward grinça les dents de fureur en lisant cette lettre. « N'y a-t-il donc aucun moyen de faire rendre compte de son infamie à cet homme » murmura-t-il. « N'y a-t-il aucun moyen de lui infliger une souffrance ?» Juin touchait à sa fin, et l'anniversaire du mariage d'Edward allait ramener le souvenir de ces belles journées où les deux jeunes époux avaient erré sur les bords des ruisseaux dans les prairies du Hampshire, lorsque des visiteurs inattendus firent leur apparition à Kemperling Retreat. Le cottage était situé au fond d'un charmant jardin et dérobé au regard des passants sur la grande route poudreuse par une haie de lilas et de laburnes qui entremêlaient leurs branches dans la palissade en bois. C'était une habitude d'Edward pendant les chaleurs de cet été de passer une bonne partie de son temps dans le jardin à se promener dans les allées négligées, un cigare à la bouche, ou de flâner dans un fauteuil sur la pelouse en lisant les journaux. Peut-être le jardin était-il plus joli par le manque de soins prolongés qu'il ne l'eût été bien entretenu par un habile et laborieux jardinier. Tout y poussait avec une luxuriance qui était très belle en ce moment de l'année, où la terre était parée de toute espèce de fleurs. Des branches traînantes, des pommiers en espalier s'élançaient au-dessus des allées, venaient se mêler aux rosiers devenus sauvages et formaient un ensemble qu'un peintre de paysage eût copié volontiers. Les plantes parasites, qu'un jardinier eût regardé avec horreur, étaient belles à voir elles aussi. Le convolvulus sauvage enroulait ses vrilles en guirlandes fantastiques autour des églantiers. Le chèvrefeuille, que n'émondait pas la serpe, mêlait ses longues branches avec le seringa et la clématite. Les jasmins qui croissaient autour de la maison avaient grimpé jusqu'aux cheminées et se glissaient à l'intérieur par les fenêtres ouvertes. Le toit de l'étable lui-même était à moitié caché par des rosiers qui en avaient envahi le chaume. Mais le jeune soldat ne s'intéressait pas beaucoup à ce jardin en désordre. Il soupirait après les jungles épaisses de l'Inde et ses plaines brûlantes. Il détestait le calme et le repos d'une existence qui lui paraissait ne valoir guère mieux que celle d'un cloître où l'on est mort de son vivant. Le soleil déclinait à l'ouest après avoir fourni sa longue carrière d'un jour d'été, lorsque M. Arundel se mit à arpenter les sentiers négligés et à errer dans l'herbe longue et enchevêtrée de la pelouse, en fumant un cigare et en songeant à ses chagrins. Il commençait à désespérer. Il avait défié Paul Marchmont, et aucun bien n'était résulté de ce défi. Il l'avait épié, et cela ne l'avait amené à rien. Jour par jour, il était allé se promener dans le sentier solitaire sur le bord de l'eau. 100 fois, il s'était approché du chalet où il n'avait entendu que la voix perçante de Paul Marchmont chantant des fragments d'opéra pendant qu'il travaillait à son chevet. Une fois ou deux seulement, il avait vu M. George Weston, le médecin, ou Lavinia, sa femme, sortir de l'atelier du peintre. Dans une de ces occasions, Edward Arundel avait accosté le médecin de Kemperling et s'est lié conversation avec lui. Mais M. Weston avait montré une stupidité si désespérante et en même temps une terreur si évidente de l'ennemi de son beau-frère, qu'Edward s'était vu forcé d'abandonner tout espoir de secours de ce côté-là. « Je suis vivement peiné pour vous, monsieur Arundel, » dit le médecin en regardant non pas Edward, mais tout autour de lui d'un air égaré, comme une bête traquée qui cherche un moyen d'échapper à ceux qui la poursuivent. « Je suis bien peiné pour vous, de toutes vos souffrances, et je l'étais en vous soignant au taureau noir, et vous étiez mon premier malade en cet endroit. » Et vous m'en avez fait avoir d'autres, comme je pourrais dire, quoique ce soit hors de la question. Et je suis peiné pour vous, et pour la pauvre jeune femme aussi, surtout pour la pauvre jeune femme, et je le dis toujours à Paul et Paul. » Ici M. Weston s'arrêta court, comme s'il était effrayé de l'embrouillement inextricable de ses idées, et souhaitant brusquement le bonsoir à M. Arundel, il partit comme une flèche dans la direction des Towers, laissant Edward fort intrigué de ses façons. Ainsi donc, dans cette soirée d'été, le soldat flânait sur la pelouse, songeant aux hommes qui avaient été ses camarades et la carrière qu'il avait abandonnée pour sa femme perdue. Il fut tiré de sa sombre rêverie par une fraîche voix de jeune fille qui l'appelait par son nom. « Edward, Edward !» Qui pouvait-il avoir dans le Lincolnshire qui eut le droit de l'appeler ainsi par son prénom? Il ne fut pas longtemps dans le doute. Tandis qu'il s'adressait cette question, la même voix féminine cria de nouveau. « Edward, Edward, venez donc m'ouvrir cette porte, je vous en prie. Vous n'avez pas, je pense, l'intention de me laisser dehors éternellement. » Cette fois, M. Arundel n'eut pas de difficulté à reconnaître la voix familière de la sœur Laetitia, qu'il avait crue jusqu'alors auprès de sa mère à Dangerfield. Et voilà qu'elle était ici à cheval à sa porte avec un chapeau d'Amazone et des plumes qui flottaient sur sa rieuse figure. Avec elle était une autre jeune Amazone montant un cheval brun pur sang, et un vieux groom qui venait par derrière sur un cheval bai. Edward Arundel, stupéfait de l'arrivée de semblable visiteur, jeta son cigare et s'approcha de la barrière basse au-delà de laquelle le cheval de sa sœur piaffait sur la route poudreuse en s'impatientant de ce retard qui l'empêchait de trotter vers l'écurie au milieu de l'air du soir parfumé. « Comment ? C'est vous, Laetitia ?» s'écria le jeune homme. « Au nom du ciel, qu'est-ce qui vous a conduite ici ?» Miss Arundel rit tout haut de la surprise de son frère. « Vous ne saviez donc pas que j'étais dans le Lincolnshire ? » demanda-t-elle, et répondant elle-même à sa question, elle ajouta sans reprendre haleine. « Évidemment non, vous ne le saviez, puisque j'ai empêché maman de vous prévenir de mon arrivée. Je voulais vous surprendre, vous savez, et je crois vous avoir surpris en effet, n'est-ce pas ? Jamais de ma vie je n'ai vu personne ayant un air plus effaré que vous. Si j'étais un revenant apparu à la brune, vous n'auriez pas paru plus effrayé qu'en ce moment. Je ne suis arrivé qu'avant-hier, et je suis chez le major Lawford, à 12 000 d'ici. Et voici Miss Lawford, qui était en pension avec moi à Bath. Vous m'avez entendu parler de Belinda Lawford, ma meilleure amie. Miss Lawford, mon frère. Mon frère, Miss Lawford. Allez-vous nous ouvrir votre porte et nous laisser entrer ? Ou bien avez-vous l'envie de nous défendre l'accès de votre citadelle, Monsieur Edward Arundel ? En ce moment, la jeune femme qui se tenait en arrière se rapprocha un peu plus de son amie et lui fit observer qu'il était très tard et qu'ils étaient attendus à la maison avant la nuit. Mais Miss Arundel ne voulut pas entendre la voix de la sagesse. « Il ne nous faut qu'une heure pour retourner à la maison, » s'écria-t-elle, « et s'il est nuit alors, ce que je ne crois pas, car il fait un clair de lune magnifique en cette saison. Nous avons Hoskins avec nous, et Hoskins aura soin de nous, n'est-ce pas, Hoskins ?» demanda la jeune fille en se tournant vers le vieux groom. Naturellement, Hoskins déclara qu'il était prêt à accomplir tous les faits d'armes, qu'il était possible à un homme d'oser pour la défense de ces dames châtelaines, ou toute autre chose à peu près du même genre. Mais il s'exprima en affreux patois du Lincolnshire qu'il n'est pas facile de rendre en caractère d'imprimerie. Miss Arundel n'attendit pas que la discussion se prolongeât. Elle tendit la main à son frère et sauta lestement à terre. Il va sans dire qu'Edward offrit ses services à la compagne de sa sœur, et regardant alors pour la première fois la figure de Belinda Lawford, il vit d'un seul coup d'œil que c'était une bonne et belle créature et que ses cheveux très abondants était de la même couleur que la robe brune de son cheval, que ses yeux étaient les plus bleus qu'il eût jamais aperçus, et que ses joues ressemblaient aux roses négligées de son jardin. Il lui tendit la main. Elle la prit avec un franc sourire, mit pied à terre, et s'engagea dans les allées pleines d'herbes au milieu d'un tas de branches traînantes et de brillantes fleurs de jardin devenues sauvages. À cette heure commença le second volume de la vie d'Edward Arundel. Le premier volume avait commencé dans la soirée de Noël, où le jeune homme de 17 ans était allé voir la pantomime au théâtre de Drury Lane. La vieille histoire avait été longue, triste, pleine de tendresse et de pathos, mais elle avait fini cruellement et d'une étrange manière. La nouvelle histoire commença ce soir-là, à l'heure où le soleil se couchait à l'occident, dans cette atmosphère de parfums et parmi les fleurs couvertes de rosée de ce jardin en désordre. Mais, ainsi que je crois l'avoir observé au début de ce roman, nous sommes rarement instruits nous-mêmes du moment où commence une partie de notre existence. Ce n'est qu'après le fait que nous reconnaissons la terrible importance que les actions les plus triviales en elles-mêmes prennent par leurs conséquences, et quand l'action en elle-même si insignifiante, en ses conséquences si fatales, a été en quelque sorte une déviation du droit chemin, avec quelle amertume nous nous reprochons ce faux pas. « Je suis content de vous voir, Edward, » s'écria Miss Arundel, en regardant autour d'elle et examinant le domaine de son frère. « Mais vous, n'avez pas du tout l'air content de me revoir. Mon pauvre cher frère, désolé. Comme vous avez meilleure mine qu'à votre départ de Dangerfield. Seulement, vous êtes toujours un peu soucieux. Quelle drôle d'idée vous avez eue de venir vous enterrer ici, loin de tous ceux qui vous aiment, grand enfant bien-aimé. Belinda sait votre histoire. Il s'associe à votre douleur, n'est-ce pas, Linda ? Je l'appelle Linda par abréviation, et parce que c'est plus joli que Belinda, » ajouta la jeune fille en aparté et en appuyant avec une emphase dédaigneuse sur la première syllabe du nom de son amie. Miss Lawford, ainsi interpellée brusquement, rougit et ne dit rien. Si on eût dit à Edward Arundel que toute autre jeune fille était au courant de la triste histoire de son mariage, je crois qu'il aurait été disposé à se révolter contre la simple idée de sa pitié. Mais quoiqu'il n'eût regardé qu'une fois Belinda Lawford, ce seul regard lui en avait dit beaucoup. Il sentit instinctivement qu'elle était aussi bonne que belle, et que sa pitié devait être une émotion très sincère et très tendre, que l'homme le plus fier de la terre ne dédaignerait pas. Les deux jeunes filles s'assirent sur un banc rustique en mauvais état au milieu de l'herbe longue, et M. Arundel prit place dans une chaise basse en osier où il avait toujours coutume de flâner une bonne partie de la journée. « Pourquoi n'avez-vous pas de jardinier, Ned ?» demanda Laetitia Arundel, après avoir regardé avec un peu de mépris la végétation luxuriante qui l'entourait. Son frère haussa les épaules avec un geste de découragement. « Pourquoi prendrais-je soin de ce jardin ? » dit-il. « Je ne l'ai loué que parce qu'il était près de l'endroit où ma pauvre femme, où je voulais être. Je n'ai rien qui me pousse à l'embellir. Je voudrais pouvoir le quitter et retourner dans l'Inde. » Il se tourna vers l'Orient en parlant, et les deux jeunes filles virent ce désir moitié empressé, moitié désespéré, qui perçait toujours sur sa figure quand il regardait dans cette direction. Là-bas était la lutte, le champ de bataille glorieux dont il n'était séparé que par la vaste étendue d'une partie de l'océan et par une langue de sable jaune. C'était là-bas qu'on se battait. Il sentait presque sur sa figure la chaleur brûlante de l'air. Il entendait presque les rois de la victoire, et il était prisonnier ici, lié par un devoir sacré, par le devoir envers la morte. Le major Lawford, c'est le père de Belinda, du 33e d'infanterie. Le major Lawford savait que nous devions venir ici, et il m'a prié de vous inviter à dîner, mais j'ai dit que vous ne voudriez pas accepter, car je savais que vous viviez à l'écart de toute société. Pourtant, le major est un homme charmant, et son habitation, la grange, est la plus jolie résidence possible. J'y venais passer mes vacances d'été pendant que vous étiez dans l'Inde, mais je me suis acquitté de la commission qu'on m'avait donnée, et vous viendrez quand il vous plaira. » Edward Arundel murmura un refus poli. Non, il ne voyait pas de société. Il était dans le Lincolnshire pour l'accomplissement d'un certain projet. Il n'y restait que le temps nécessaire pour cela. « Et vous ne me dites même pas que vous êtes bien aise de me voir ?» s'écria Miss Arundel d'un air piqué. « Quoiqu'il y ait 6 mois que vous ayez quitté Dangerfield. Ma parole, vous êtes un frère charmant qui mérite bien qu'une malheureuse sœur perde son temps à l'aimer. » Edward sourit faiblement à cette plainte de sa sœur. « Je suis content de vous voir, Laetitia, » dit-il. « Très content, très content. » Effectivement, le jeune ermite était forcé de s'avouer à lui-même que ces deux jeunes figures innocentes semblaient apporter avec elles la lumière et la gaieté, et faire luire momentanément un rayon de soleil sur l'horrible tristesse de sa vie. Morrison était venu offrir ses services à la jeune fille, qu'il connaissait depuis qu'elle était au monde et qu'il avait portée sur ses épaules quelque 15 ans auparavant, sous le prétexte d'offrir des rafraîchissements aux visiteuses. Et on avait envoyé le garçon d'écurie dans un coin écarté du jardin à la recherche des plus belles fraises. La servante elle-même s'était glissée dans le salon qui faisait face à la pelouse. Il s'était caché derrière les rideaux de la fenêtre, d'où elle pouvait admirer les deux Amazones et contempler quelque chose d'heureux et de beau. Mais les jeunes filles ne voulurent ni boire de vin, bien que Morrison informa Laetitia que le chéri venait des caves de Dangerfield et avait été envoyé à M. Edward par sa mère, ni manger des fraises, quoique le garçon d'écurie, qui parfumait l'air d'une odeur de foin et d'avoine, en eût apporté un petit tas empilé sur une feuille de chou et surmonté d'une chenille rampante de l'espèce laineuse. Elles déclarèrent qu'elles ne pouvaient rester plus longtemps de peur qu'on ne s'effrayât de leur absence à Lawford Grange. Elles revinrent donc à la porte escortées par Edward et son valet de confiance, et après que Laetitia eut donné à son frère un baiser qui retentit comme un coup de pistolet au milieu du calme du soir, les deux jeunes filles se remirent en selle et caracolèrent dans le crépuscule. « Je reviendrai vous voir, Ned, » cria Miss Arundel en secouant les rênes sur le cou de son cheval. « Et Belinda aussi. Vous viendrez, n'est-ce pas, Belinda ?» La réponse de Miss Lawford, si toutefois elle répondit, se perdit dans le bruit que firent les sabots des chevaux sur la grande route.